Lettre à Rachel par Hélène Ourgan. Œuvre publiée sous licence en lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Johan pour audiocité.net. Lettre à Rachel. Ma chère Rachel, je viens de lire cette phrase, extraite de ton livre, La Chambre de Bonne. Tu auras aussi à affronter de nombreux adversaires et aucun ne voudra te faire de cadeau. Alors, attends-toi à lutter vaillamment. Je ne peux m'empêcher de faire un complément à cette idée avec cette citation de Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Est-ce qu'on doit donc passer sa vie à se battre pour toutes sortes de choses? Est-ce que nos semblables ne sont jamais que des ennemis? Est-ce que nous sommes partagés en deux catégories, celle des gagnants et celle des perdants? Il existe plusieurs sortes de luttes, celle contre les autres ou contre les circonstances, celle contre une partie de soi et les luttes collectives que je n'aborderai pas ici bien que les mécanismes en soient identiques. La lutte, le combat, appelle pour se justifier la colère ou la haine de l'adversaire, de l'ennemi, tout comme la lutte contre soi mène à se sentir son propre ennemi. Cela développe tout un panel de sentiments négatifs envers soi, envers les autres, envers la société. La morale collective actuelle nous fait croire que l'important, c'est de l'emporter sur les autres, de lutter, de gagner. Nous sommes dans une société de compétition, mais un gagnant est un fabricant de perdants. Il faut rebâtir une société humaine, d'où la compétition sera éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi. Albert Jacquard. J'ai cru longtemps qu'il fallait se battre, contre tout, pour rien, pour atteindre je ne sais quelle étape, être meilleur, obtenir quelque chose des autres, de ces gens proches ou lointains qu'on perçoit comme autant de belligérants. Mais j'ai perdu mon temps en de vaines pancrasses, et mon cheminement est tout autre aujourd'hui. Je m'en vais pour illustrer ma pensée, te conter une histoire que tu connais déjà peut-être. Il s'agit de Jean Pelloer, dans Le baiser aux lépreux, de François Mauriac. Jean était très laid, si laid qu'il n'avait pas d'amis, et que les femmes et les jeunes filles se moquaient de lui quand il traversait les rues du village. Mais son père était le riche propriétaire de quelques hectares de pins, dans les Landes. Un jour, le curé s'est mis en tête de le marier, dans le but d'assurer des héritiers à cette famille. Bien entendu, Jean était comme tout le monde, il espérait l'amour. On a donc fini par le marier, avec Noémie. Mariage arrangé entre familles du même rang, son éducation l'a conduite à accepter d'épouser cet homme repoussant. Jean n'a usé d'aucun artifice pour se rendre plus acceptable. Il n'a pas tenté de briller d'une quelconque manière pour se faire aimer. Mais il s'est vite aperçu qu'elle ne pouvait supporter son contact. Elle dépérissait de devoir côtoyer cet homme au quotidien. Elle ne l'aimait pas et ne l'aimerait jamais. Il ne serait jamais que cette figure imposée, de qui elle s'obligeait parfois à accepter les caresses, en tentant de surmonter son dégoût, comme saint Jean d'Assise avait dû, afin de forcer sa répugnance pour la lèpre, baiser la main d'un des lépreux qu'il côtoyait. Alors Jean n'a plus vu qu'une seule issue, débarrasser Noémie de ce poids qui l'empêchait de vivre. Il a donc fait en sorte de mourir. Jean n'a pas lutté, ni contre lui, sa condition d'homme laid, ni contre Noémie, qu'il n'a pas voulu forcer à le supporter. Jean a accepté d'être celui qu'on ne voulait pas. Dans cette acceptation, il a fait le choix de disparaître. Connais-tu l'impermanence de la vie? C'est d'abord un concept bouddhiste. Il consiste à accepter le vieillissement, la maladie, les séparations d'avec ce qu'on aime, séparation par la mort ou des changements de vie. L'impermanence de la vie, c'est le fait que tout change, tout le monde change, tous les jours, même de façon imperceptible, et qu'il faut consentir à ces changements. Ce concept permet au final d'accepter notre propre mort. La vie est aussi éphémère qu'une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. On ne peut arrêter la mort, de même qu'on ne peut empêcher les ombres de s'étirer au soleil couchant. Vous pouvez être extrêmement beau, vous ne séduirez pas la mort. Vous pouvez être très puissant, vous ne l'influencerez pas davantage. Même les richesses les plus fabuleuses ne vous achèteront pas quelques minutes de vie supplémentaire. La mort est aussi certaine pour vous que pour celui qui a le cœur transpercé d'un poignard. Mathieu Ricard. Mais au-delà du principe bouddhiste, l'impermanence de la vie rend inconstant tout ce qui nous environne. Alors toute lutte devient vaine. Pourquoi se battre au final, puisque demain est incertain ? Demain rendra caduque notre combat. Il n'y a qu'à regarder certains parcours de vie. Un entrepreneur aisé qui finit par dormir dans la rue, cela se voit, justement parce que ce qu'il a construit est éphémère, soumis aux aléas de l'impermanence, et que le moindre changement dans sa vie peut faire basculer tout son système. Dans ce que je viens de narrer, le mot le plus important, c'est « accepter ». Voilà où je voulais en venir. Pendant des années, j'ai été une Don Quichotte à batailler contre des moulins. Le plus drôle, c'est que l'emblème du village où je vivais est un moulin à vent, devant lequel je suis passée pendant des années, plusieurs fois par jour. Hasard, coïncidence ou synchronicité à la Jung. Dans la société où nous vivons, nous avons appris depuis tout petit à mener des luttes, à l'école, dans le sport, dans le travail, parfois aussi dans l'intimité des couples ou des familles. Dans ce système, les gens pelouères sont considérés comme des faibles ou des incapables. Nous n'avons pas droit à l'erreur, pas droit à un instant d'abandon. Même le discours politique actuel nous le signifie. Il faut combattre, même les moulins à vent. Mais j'ai décidé de ne plus lutter. Je refuse d'utiliser mon énergie pour des combats qui ne mèneront au final pas à grand-chose. Je n'ai plus rien à gagner dans ces batailles. Ma vie est faite, défaite et refaite. Je dois donc travailler à accepter la vie telle qu'elle se présente. Accepter les conditions de travail actuelles, puisque mes révoltes contre les inégalités et les injustices sont vaines et épuisantes. Je dois aussi accepter le temps qui passe, ce que je suis, ce que je deviens, accepter de ne pas être aimé en retour, accepter les lendemains incertains. Les aléas de la vie font que j'ai compris depuis longtemps qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont, et non tenter de les façonner à sa manière. Ils vont changer d'eux-mêmes, et moi aussi. Et à chaque fois qu'on est amené à faire des choix, c'est en acceptant les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Puisque l'impermanence de la vie transformera tout à mon insu, autant accueillir ces changements pour lesquels je ne peux rien, ou presque rien, faire. Accepter prend du temps. Nous n'y sommes pas habitués. Certains moins que d'autres, sans doute. Je n'en suis qu'au tout début d'un travail qui va me prendre quelques années, peut-être. À chaque sursaut de révolte, je dois me raisonner et chercher ce mot que je répète ici à l'envi. Accepter. Lorsque la véritable compréhension de l'impermanence aura commencé à poindre dans votre esprit, vous ne vous laisserez plus emporter par la discrimination entre amis et ennemis. Vous serez à même de déchirer l'épais enchevêtrement des activités distrayantes et futiles. Vous serez capable de puissants efforts. Tout ce que vous ferez prendra la direction du Dharma, loi régissant l'ordre, la disposition générale des choses, cosmique, sociale, religieuse, dans le bouddhisme et l'hindouisme. Et vos qualités s'épanouiront comme jamais auparavant. Khyentse Rinpoche. Si l'on me demandait quelles sont mes résolutions pour l'année à venir, bien que je déteste cette habitude de décider en début d'année de ce qu'on s'obligera à faire pour le reste des mois à venir, je n'aurais qu'un mot à dire. Accepter. Mais Rachel, accepter, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas renoncer à ses valeurs, à ses idéaux de vie. Ma chère Rachel, ainsi se finit ma missive. J'espère qu'elle aura distrait ton ennui si jamais tu trouvais le temps de t'ennuyer. Je t'embrasse sur les deux joues en attendant de te lire ou de te revoir. Fin de lettre à Rachel par Hélène Ourgan.